de sa peine. Pourquoi faut-il, quand on est sûr de sa vie, que le rencontre vous trahisse? Il allumait une cigarette et moi je tournais. On a les heures.